Grâce de Caryl Ferret. Non, je t'ai déjà dit 100 fois que je ne voulais pas d'enfant. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de me marier avec une tanche comme toi? D'abord, je ne suis pas une tanche, mais une sole meunière, la famille la plus chic de la barrière de corail. Ah bah, tu me trouvais à ton goût quand on s'est rencontrés, quand monsieur le poulpe faisait des ronds de tentacules pour que je danse avec lui. J'avais bu de l'eau de mer, je n'avais plus toute ma tête, et puis avec tous mes bras, je savais même plus avec qui je dansais. Non, c'est trop facile, c'est quand même toi qui m'as demandé en mariage. Et voilà qu'aujourd'hui, monsieur prend des airs supérieurs. Attention les gars, c'est moi que v'là, poussez-vous les microbes, oui, merci. Ce n'est pas de ma faute si nous, les poulpes, nous avons un gros cerveau, mais surtout par rapport aux poissons. Bah, attends, dis tout de suite que tu me trouves idiote. Tu oublies tout, la sole. L'heure du repas, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, il t'arrive même d'oublier ton prénom. À croire que tu as une cervelle de plancton, mais comment veux-tu qu'on fasse un enfant dans ces conditions? Tu serais capable d'oublier qu'il existe? Notre enfant mourrait de faim pendant que madame gobe les algues. Mufle! Ma mère avait raison, les poulpes sont tous des menteurs. Je ne mens pas, je dis ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est pareil. Au secours! Bernard Bulot! Qu'est-ce qui t'arrive? L'étoile de mer! L'étoile de mer! Mais on n'est pas sourd! Qu'est-ce qu'elle a, la fameuse étoile de mer? Elle est morte! Sur la plage, échouée, c'est affreux! Ça, montre-nous! Suivez-moi! C'est là, au bord du rivage, sur la plage! Regardez! Je te rappelle que je suis une sole, Bernard Bulot! Je suis peut-être bête à manger du sable, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que les poissons ne vont pas sur la plage! Tiens, le poulpe, toi qui es tellement malin, va donc voir ce qui se passe! Tu es sûr que c'est l'étoile de mer? La star de l'océan? Il n'y en a qu'une comme elle. J'ai vu tous ces films à la télé. Vois par toi-même, là, au bout des vagues. Mon Dieu, c'est horrible! L'étoile de mer? Morte! L'étoile de mer! La plus formidable star de l'océan! Regardez, elle est toute sèche. Je l'ai trouvée dans cet état. C'est triste. Cette affaire va faire du grabuge. L'étoile de mer n'est pas n'importe qui. Il faut alerter la police! Tout de suite! Pour une fois, ma tanche de femme a raison. Je suis une sole meunière. N'empêche qu'il faut prévenir la police. L'inspecteur Gambas. Lui seul peut résoudre cette affaire. Oh oui! L'inspecteur... Gambas? Oui. En personne? On dit qu'il n'a jamais échoué dans une enquête. J'ai lu un article sur lui dans Paparazzi People. On dit qu'il trouve toujours l'assassin, même quand il n'est pas là. Rassure-toi, le Bulot, elle ne sait pas lire. L'inspecteur Gambas a un flair infaillible. C'est dans tous les journaux. C'est ce qu'on va voir. L'eau ici claire qu'on dirait du lagon. Normal, chef, c'est un lagon. Celui de la barrière de corail où nous devons mener l'enquête. Et je l'ai déduit, qu'est-ce que vous croyez, ma petite? Ce bleu, ça ne peut être que celui d'un lagon. Au-dessus de nous? Ah non, ça c'est la coque d'un bateau. Allons, vous verrez quand vous aurez mon expérience, agent spécial La Crevette. Vous comprendrez pourquoi et surtout comment. Je devine tout plus vite que les autres. Les antennes, tout est dans les antennes. Alors, où se trouve la victime? Droit devant vous, inspecteur, près des rochers. L'étoile de mer, hein? J'imagine que les trois personnes autour d'elle sont celles-là même qui ont averti les secours. Oui, inspecteur. Ah, je le savais. C'est vous le célèbre inspecteur Gambas? Melascar. Eh oui, je suis l'inspecteur Gambas, et voici ma sémillante partenaire, l'agent spécial La Crevette, que je forme actuellement aux dernières techniques en matière de criminologie. Ça vous embouche les branchies, non? Les miennes sont toutes oui, inspecteur. Hein? Tu devrais encore plus t'aplatir devant lui, la sole. C'est vous qui avez trouvé le cadavre? Non, c'est le Bulot, Bernard Bulot. Votre honneur? Un Bulot, tiens donc. Vous en pensez quoi, La Crevette? Les Bulots sont les fossoyeurs de la mer. La mort ne leur fait pas peur. Pire, c'est leur gagne-pain. On peut penser que ce Bulot est un bon suspect. Non, je veux dire physiquement, vous en pensez quoi? Trop baveux, pas du tout mon style. Ah oui? Et c'est quoi votre style? C'est pas drôle, généreux, intelligent, voire beau garçon, gentleman avec les femmes. Déjà amoureuse de moi, non? Vous dites donc, vous allez vite en besogne, ma petite. Vous n'interrogez pas Bernard Bulot, inspecteur? Bien sûr que si. Alors, le Bulot, on peut savoir comment tu as trouvé cette malheureuse étoile de mer? Je suivais la marée montante, inspecteur. Je furetais dans les rochers à mesure que l'eau gagnait la plage quand je suis tombé sur l'étoile de mer. Elle gisait sur le sable en plein soleil, échouée. Comment savez-vous qu'elle ne respirait plus ? Elle était toute sèche. Les branches recroquevillées, un spectacle affreux. Surtout quand on se rappelle la star que c'était. Oui, je peux le confirmer. J'ai dîné une fois en tête à tête avec elle, lors d'un cocktail mondain où on est obligé de se marcher dessus pour atteindre les coupes de champagne. L'étoile de mer était d'une beauté rare. D'ailleurs, mes antennes qui tentaient de la chatouiller pour attirer son attention ne l'ont pas laissée insensible. La victime était dans quelle position quand vous l'avez trouvée sur la plage ? Les branches en l'air, toutes sèches. Soyez plus précis. Elle avait les branches recroquevillées, comme les pattes d'une araignée qu'on vient d'écraser. Vous avez vu le cadavre sur la plage, vous aussi ? À la marée montante ? J'étais en train de me disputer avec ma femme près du rivage quand Bernard Bulot nous est tombé dessus, complètement affolé. Les branches toutes recroquevillées. Et la couleur ? Pâle. Très pâle. La victime a dû rester plusieurs heures au soleil. Plus de 3 heures en tout cas. En tout cas, elle était complètement morte. Hein ? Comment se fait-il que le cadavre soit immergé ? C'est vous qui l'avez traîné là ? Non, c'est la marée montante qui l'a brassée jusqu'ici. La pauvre, mourir asphyxiée, quelle triste fin. C'est peut-être mieux ainsi, la vie de star est terrible pour les nerfs, il faut plaire tout le temps, à tout le monde. Il suffit de rester naturel. C'est intéressant ce que vous dites, inspecteur. N'est-ce pas ? Je vous trouve un peu plate, mais je vous aime bien, ma petite dame. Il s'agit peut-être d'un suicide, inspecteur. La popularité de l'étoile de mer était en chute libre ces derniers temps. Son dernier documentaire animalier a fait un vrai flop, et quand elle s'est mise à la chanson, elle s'est ramassée. Oui, il faut être en acier trempé pour tenir le coup. La malheureuse étoile n'a pas pu résister à la pression du védétariat. Star d'un jour ne rime pas forcément avec star toujours. Vous êtes trop jeune ou trop ignorant pour la connaître, mais une autre star, Marilyn Monroe, a jadis subi le même sort. Un suicide, comme une fuite devant l'éternité. C'est beau ce que vous dites, inspecteur. Gambas. Inspecteur Gambas. Un suicide. Oui, ça semble bien être ça. Regardez plutôt le cadavre. Il y a des marques sur ses branches. Des traces de lutte. Au moins 3 marques distinctes. Regardez ces petits boutons. C'est comme de l'urticaire. Le soleil n'a rien à voir là-dedans. C'est la preuve qu'on l'a forcé à s'échouer. Quelqu'un a tiré l'étoile de mer sur le sable, à l'air libre, pour qu'elle s'asphyxie. Un meurtre ? Sans l'ombre d'un doute ! Élémentaire, mon cher Watson. Star ou pas, l'étoile de mer a été lâchement assassinée. Et je vais trouver le coupable de ce petit pas. Comment, inspecteur Gambas ? Comment ? Gambas, la seule. Gambi, pour les intimes. J'ai beau ne pas aimer ma femme, là, il y a de l'abus. L'anémone. C'est peut-être l'anémone qui a fait le coup. Non, ça semble trop évident. L'anémone ? Qui est-ce ? La rivale de l'étoile de mer. Un animal carnivore, polype à tentacules paralysants. Ah, voilà une piste où je n'y connais rien. Où habite cette anémone ? À quelques rochers de là. Je vous y emmène, si vous voulez. Je vous accompagne, inspecteur. Inspecteur... Gambas, la seule gambe. Basse. Laissez tomber, inspecteur, elle oublie tout. Bon, allons-y. C'est où ? Ces deux rochers, inspecteur. On n'y voit presque rien dans cet abysse. Il y a quelqu'un ? Police, ouvrez cette porte. Vous êtes en train de frapper à la coquille d'un Bernard l'ermite, chef. Ce n'est pas une raison pour ne pas me répondre. Bon, où est cette maudite anémone ? Là, inspecteur, les fils rouges qui remuent juste en face de vous. Te voilà, l'anémone. C'est vous, l'inspecteur Gambet ? Gambas, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Je vous rappelle que je suis la star de la police, le seul à résoudre les affaires criminelles les plus délicates. Désolé, la Gambas, mais vu l'épaisseur de vos pattes, on peut en douter. Oh, elle nous provoque, inspecteur. Que cela ne tienne. L'anémone, je vous arrête pour le meurtre de l'étoile de mer. Ah ah, on fait moins l'intéressante. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je n'ai rien à voir avec la mort de cette traînée. Comment savez-vous qu'elle s'est traînée sur la plage ? On se trahit en plus. Vous délirez, Gambette. Vous niez peut-être. L'étoile de mer était votre rivale depuis toujours. Ces documentaires animaliers étaient terriblement plus captivants que les vôtres, dont tout le monde se fichait à la longue. Laisser gigoter ses tentacules, attraper sournoisement des petits poissons, regigoter ses tentacules. Tu parles d'un programme. Bien envoyé, inspecteur Sampras. Il fait pas trop non plus, chérie. Aviez-vous de mauvais rapports avec l'étoile de mer, mademoiselle l'anémone? Cette garce me piquait tous les rôles, tous mes amants, mes producteurs, mes réalisateurs fétiches, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle me mangeait le plancton dans la main. Elle m'a mis sur la paille, façon de parler. Les studios m'ont viré, moi, sa rivale. Autrement, je l'aimais bien. Par hasard, étiez-vous jalouse? Au point de tuer? Je ne suis pas idiote. L'étoile de mer assassinée, tous les soupçons se porteraient forcément sur moi. Sans aller jusqu'à regretter sa mort, sachez que je ne l'ai pas assassinée. Bon, agent spécial La Crevette, je vous rappelle que vous êtes là pour apprendre le métier de limier, pas pour poser des questions incongrues. À nous deux, l'anémone. Où étiez-vous à l'heure du crime? Ici, entre ces deux rochers. Vous avez un alibi? Demandez aux algues. Et puis comment aurais-je pu me rendre sur la plage, à l'air libre? Les anémones sont exclusivement aquatiques. Elle a raison, inspecteur Gambas. Je crains de vous avoir mené sur une mauvaise piste. C'est malin. Tu es encore plus bête que moi, Bernard Bulot. C'est bon pour cette fois, mais que je ne vous y reprenne plus. Inspecteur! Écoutez, agent La Crevette. Vous avez certes une très belle carapace, mais restez à votre place d'élève subalterne et prenez-en de la graine. Cette anémone caractérielle n'est pas coupable. Oui, je sais. Ça vous surprend, mais notez bien une chose sur votre carnet d'enquête. Une chose essentielle et que peu de gens savent. Ne jamais se fier aux apparences. Jamais. C'est noté? Oui. Oh, inspecteur, chef. Vous menez cette enquête de main de maître. J'en ai les écailles qui frémissent. Chérie, un peu de tenue. Il y a peut-être une autre piste. Enfin, je ne suis pas sûr, mais... je ne voudrais pas vous induire en erreur. Oui, bon, vas-y, Bulot, tu nous agaces avec tes hésitations. C'est vrai, ça... Alors, Bernard Bulot, vous avez quelque chose à déclarer? Le homard. Je repense aux marques retrouvées sur le corps de notre star adorée, ses traces de lutte. Un homard a très bien pu les faire. Sans compter qu'il avait la force pour la tirer sur la plage, au sec. Un homard vit pas ici, dans la barrière de corail? Oui, inspecteur Gambas. Pas très loin d'ici. C'est un vieux homard, vaniteux et acariâtre. Mieux vaut s'en méfier. Moi, me méfier? Elle est bien bonne, celle-là. Sachez que ma réputation me précède où que j'aille et que les suspects tremblent à mon approche. La raison en est simple, je trouve toujours le coupable. Toujours. Inspecteur Gambo. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Bongo. Ça y est, elle a oublié. Il me tarde de parler à ce homard. En avant tout le monde! Allons bon. Qu'est-ce que cette langoustine géante est en train de faire avec ses pinces? Ce n'est pas une langoustine, inspecteur. C'est un homard. Vous voyez bien que je taille ma haie d'algues. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Il n'a pas l'air commode, inspecteur Bimbo. Pas comme vous. Oui, laissez faire le professionnel. Je me présente, inspecteur Gambas. L'étoile de mer a été assassinée sur la plage à la marée montante et nous recherchons le coupable. Vous? Par exemple, nous avons retrouvé des traces de lutte sur le corps de la victime et vos pinces me semblent de taille à infliger de telles blessures. Que dites-vous de ça? L'étoile de mer assassinée, c'est moche pour elle, mais je ne vais pas pleurer des larmes de crocodile. Ce tas de branches se prenait pour une star alors qu'elle jouait comme un pied de moule. On commence à avouer. Nous avons fait deux films ensemble il y a longtemps, quand j'étais encore la vedette des studios. Autant on emporte l'océan et les dents de ma mère. C'est à peine si elle savait ses répliques. Quant aux scènes de baiser, excusez la vulgarité, mais avec ses branches visqueuses autour de mon cou, j'avais l'impression de tenir une méduse entre mes pinces. Le pauvre. Non, ne vous laissez pas impressionner par ce temps larmoyant, ma chère. Ce homard m'a tout l'air d'un fief et gredin. Oh, regardez plutôt la taille de ses pinces. Le monstre serait capable de nous découper en rondelles si on le laissait faire. Même en rondelles, vous garderiez une certaine classe, inspecteur Bingo. Gambas, ma petite Gambas. Où étiez-vous à l'heure du crime, monsieur Omar? C'était quand? Vers midi. Je faisais ma sieste, mademoiselle. Je suis une vieille star maintenant. Il faut que je me repose de temps en temps. Vous avez un témoin? Ma foi, non. Je dors maintenant. Seul? Ah, puisque je vous le dis. Dans ce cas, que signifient ces traces de rouge à lèvres sur votre rostre? Non, rostre. Oui, l'extension de carapace qui vous sert de tête. Ces marques sont bien celles d'un rouge à lèvres. Eh bien... On ne sait plus quoi dire, peut-être? Je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas. On a dû m'embrasser le rostre durant mon sommeil. Un individu de la gente féminine serait venu vous embrasser, vous, un vieux homard, durant votre sommeil? Sachez que ce genre d'aventure n'arrive qu'à moi, et encore lorsque je suis vraiment fatigué. Regardez-vous, vos antennes grisonnent, ce rostre dont vous semblez si fier et percutant. Quant à votre fameuse carapace noire, parlons-en, elle est si molle qu'on dirait du pétrole. Personne n'aurait idée de venir vous embrasser pendant votre sieste, encore moins avec du rouge à lèvres. Vous mentez! Oui, menteur! Bien! Laissez-le, je vous en prie! Chérie, non! D'où sort cette coquille Saint-Jacques? C'est trop tard. Hein? Il faut tout avouer, mon amour. Chérie. Laissez ce homard tranquille, inspecteur. J'avoue, ces traces de rouge à lèvres sont les miennes. Hein? C'est moi qui ai fait la sieste avec mon ami le homard. Toi, la coquille Saint-Jacques? Tu ne manques pas de toupet? Oh, je sais, je suis mariée. Mais nous nous aimons. Tant pis si la vérité éclate au grand jour. Mon mari me bat la doigt de Saint-Jacques depuis des années, inspecteur. Jusqu'à présent, je me suis tue pour respecter les liens sacrés du mariage, mais je n'en peux plus de cette situation. Je suis amoureuse, vous comprenez? Amoureuse comme je ne l'ai jamais été. De ce vieux homard à moitié rouillé? Il est peut-être un peu rouillé, mais il est tendre, lui. Oui, nous nous aimons. J'ai eu bien des maîtresses du temps de ma splendeur, mais maintenant que je suis tout juste bon à tailler ma haie, les siestes avec cette coquille sont les meilleurs moments de ma vie. Oh. Les plus sacrés aussi. Nous étions ensemble à l'heure du crime. Je suis prête à témoigner. Ah oui? Et qui me dit que vous n'avez pas tailladé l'étoile de mer avec vos pinces coupantes avant de cacher le cadavre dans la coquille de votre maîtresse la Saint-Jacques, non, dès lors chargée de recracher le macabre sur la plage, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ma coquille Saint-Jacques est innocente. Elle ne ferait pas de mal à un plancton. N'empêche qu'on y cache facilement une étoile de mer, pour peu qu'on replie un peu ses branches, comme un corps dans le coffre d'une voiture. Nous n'avons pas tué l'étoile de mer, inspecteur. Pourquoi ferions-nous une chose pareille? Nous nous aimons. Pour pure méchanceté, envie de faire mal, pour passer le temps, ou parce qu'elle passait dans le coin, que sais-je? Les assassins ont toujours un mobile, inspecteur Gambas. Au pire, ils obéissent à des ordres. C'est ça! Mais oui! Vous avez assassiné l'étoile de mer pour obéir à des ordres! Mais enfin, vous êtes sourd! Nous nous aimons. Nous n'obéissons à rien d'autre qu'au cri de nos désirs. C'est romantique. Le désir de tuer. Le désir d'aimer. Nous nous fichons de l'étoile de mer. Nous n'avons aucune raison de la tuer. Et puis d'abord, nous dormions. La coquille a raison, inspecteur. Ça crève les yeux que ces deux tourtereaux sont innocents. Sans compter qu'ils ont un alibi. Oui, la sieste. Je crois qu'on nous a menés sur une fausse piste, inspecteur. Ce sont les autres, là, qui nous ont raconté n'importe quoi. Tiens. D'ailleurs, où sont-ils? Bernard Bulot et mon poulpe de Marie? Oui, c'est eux qui nous ont dit d'enquêter chez ce maudit homard. Mais où sont-ils passés? Ils étaient derrière vous, la Sol. Bah oui, mais je ne comprends pas. Ils ne sont plus là. Peut-être qu'ils se cachent dans les algues. Et quel intérêt? C'est complètement stupide. Oh, vous êtes là? Oh, vous vous cachez? Ohé. Vous perdez votre temps, inspecteur. Regardez plutôt à la surface. Ciel, mon mari! Où ça? À la surface! Mon Dieu, c'est horrible! Ces tentacules qui flottent inertes! Ça y est, je le vois! Eh bien, dis donc, il n'a pas l'air très vaillant! Il dérive! Les tentacules tombent au lasso, au gré du courant! Eh, il est toujours comme ça? Je crains qu'il ne soit mort, inspecteur. Qui ça, le poulpe? Qui nous dit qu'il ne fait pas la planche? Il vient de cracher un jet d'encre, comme le font les poulpes face au danger! Sauf qu'il n'y a aucun danger. Ce sont donc ses nerfs qui se sont relâchés. Vous n'êtes pas sans savoir que les nerfs des poulpes se relâchent quelques minutes après la mort, expulsant par là même un jet d'encre. Vous en connaissez un rayon pour une crevette? Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire. Inspectons le cadavre. Oui, qui sait? Peut-être qu'il respire encore? Pas de faux espoirs, ma seule. Ce poulpe est bien flagada. S'il vient de mourir, c'est que l'assassin n'est pas loin. Allons voir. Nous trouverons peut-être des indices. Mais méfions-nous. De quoi? Oui. D'un danger, peut-être? cadavre. Il flotte sur le ventre. C'est vrai que c'est plutôt sur le dos qu'on fait la planche. Mais les poulpes sont si étranges. Vous voyez bien qu'il est décédé. Mon pauvre mari, dire qu'il en avait marre de moi. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, on est en train d'être. Attention, inspecteur, vous êtes en train d'accrocher vos enquêtes dans les miennes. Mais je ne vous quitterai jamais. Arrête un geyser, attention. Ne pourrons pas nous spécifier contre les corons. Ça fait mal, ça, les corons. Ah, on va se déchirer. Continuons d'avancer. Nous serons plus en sûreté. Inspecteur, vous êtes là? Je n'abandonne jamais. Les femmes sont des forces. Encore un effort. On arrive sous la grotte. Eh ben, dites donc, j'ai bien cru que c'était ma dernière heure de sol meunière. Pas de panique, ma petite. Avec moi, vous ne craignez rien. C'est plutôt lugubre comme endroit. Les grottes sont rarement des champs de foire, ma chère. vous m'avez sauvé la vie, inspecteur Tambalas. Gambas suffira. Pour le reste, j'ai l'habitude de sauver la vie. Je sais ce que vous éprouvez. Vous avez envie de me sauter aux antennes. Vous trouvez que je suis formidable. Vous avez déjà oublié la mort de votre poulpe de mari. Vous avez même la sensation que plus jamais vous ne repenserez à lui. Tellement je suis... Je suis désolée de vous interrompre, inspecteur, mais nous ne sommes pas seuls dans cette grotte sous-marine. Évidemment, puisque nous sommes trois. Je veux dire qu'il y a d'autres créatures dans cet abri. Il y a des traces sur le rocher, là. On dirait... De la bave, oui. De la bave de bulot. De la bave fraîche. Ah, c'est répugnant. Ça doit coller, en plus. Très fort, en effet. Qu'est-ce que cette bave fraîche fait ici? Vous venez de poser la première question intelligente de cette enquête. Merci. Merci. Mais s'il y a de la bave de bulot sur ce rocher, ça veut dire que quelqu'un a bavé. Mais oui. Dis donc, vous faites la paire tous les deux. Vous trouvez? Regardez plutôt qui se cache sous sa coquille, là-bas dans le coin, et qui fait semblant de ne pas nous voir. Mais c'est qu'il fait sombre dans cette grotte. Là, je vois une sorte de chapeau tout tordu. Ouais. Marron verdâtre. Là. Nom d'un bouquet. Mais je reconnais ce gredin. Bernard Bulot, c'est lui, sous sa coquille. C'est bien lui. Oui. Ah, ça, on peut dire qu'il fait l'autruche. Bon, le Bulot, tu sors de là ou il faut venir te secouer la coquille? On t'a vu. T'as entendu ce qu'a dit l'inspecteur Samba? Sors de là. Oh, c'est incroyable, ça. On t'a dit qu'on t'a vu, Bernard Bulot. Je vais venir te chercher par la peau du bulbe. Tu vas voir ça. Non, n'approchez pas, inspecteur. Mais pourquoi donc? Je sais très bien approcher. Sa complice ne doit pas être loin, qui pourrait vous empoisonner. Tiens, la voilà, tapis sous la mousse. L'anémone? Ça, c'est trop fort! Qu'est-ce qu'elle fait là avec le bulot? Vous croyez qu'ils nous ont suivis? C'est très vilain de suivre les gens comme ça, hein. Et si nous voulions être tranquilles tous les deux, dans cette grotte intime, hein? L'anémone et le bulot sont complices! Ils nous ont tendu un piège! Un piège qui a bien failli fonctionner! Rappelez-vous comme le bulot a disparu pendant que nous interrogions le homard? Il est allé retrouver sa complice, l'anémone, pour empoisonner le poulpe. Empoisonner mon mari? Mais pourquoi? Ils savaient que nous irions reconnaître le cadavre. Ils ont laissé flotter le macabé à hauteur du geyser, dont ils connaissent les heures d'ouverture, pour que nous soyons emportés. Le geyser s'ouvre chaque jour à 16 heures. C'est dans tous les horaires de marée, emportant tout sur son passage. Or, il est 16h05. Eux se sont installés à l'abri dans cette grotte le temps que l'orage passe et ils espéraient bien nous retrouver déchiquetés sur les coraux. C'est faux. Nous sommes là par hasard. Ben voyons. Vous avez tenté de nous assassiner. Voilà la vérité. Alors le bulot, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Nous sommes innocents. Tu mens. Depuis le début. Toi aussi, l'anémone. C'est toi qui as paralysé l'étoile de mer avec ton venin. Ton complice, le bulot, s'est alors collé au rocher en la maintenant inerte jusqu'à ce que la marée descende. Une fois à l'air libre, il suffisait d'attendre quelques minutes pour que l'étoile de mer s'asphyxie. Tu as menti, Bernard Bulot. Ce n'est pas à la marée montante que tu l'as trouvé échoué, mais à la marée descendante, ce qui change tout. Quant aux traces de lutte sur les branches, j'ai comparé avec les photos dans mon livre de criminologie, aucun doute possible. Oui. Ces marques étaient celles de tentacules paralysants d'une anémone. Tu savais tout depuis le début. Oui. Vous avez essayé de nous mettre sur de fausses pistes et j'ai bien failli me faire avoir. La thèse du suicide ne prenant pas, Bernard Bulot nous a menés vers le suspect le plus évident, l'anémone. Mais cette dernière avait un alibi à l'heure du décès. Puis, voyant que la piste du homard ne prenait pas, vous avez projeté de nous assassiner, tout simplement. Je le savais. Je le savais depuis le début. Canaille. Je vous arrête pour meurtre. Pour meurtre et tentative de meurtre. Ce n'est pas de ma faute, inspecteur Campas. C'est elle qui m'a engagé, l'anémone. Sa jalousie l'étouffait. Elle en voulait à mort à l'étoile de mer qui a mis fin à sa carrière. C'est pour reprendre ses rôles qu'elle m'a demandé de devenir son complice. Tu me dégoûtes, Bernard Bulot. Tu n'as même pas le cran de reconnaître tes méfaits. Tu étais bien d'accord pour devenir le producteur exclusif de nos futurs documentaires animaliers, le producteur le plus riche de l'océan. Oui, j'en ai toujours rêvé. Tout le monde me méprise parce que je bave, mais en devenant riche, on m'aurait adoré. Eh bien, si c'est comme ça, je vous arrête. Bravo, bravo, inspecteur Carcasse. Inspecteur Barabbas. Non. Wouah. Wouah, wouah. Minas. Wouah. Non, Chaudas. Wouah, wouah. Wouah. Wouah, wouah. Wouah. Wouah, wouah. Cette affaire a été rondement menée, n'est-ce pas? Oh oui, agent spécial, la crevette. L'anémone et l'abominable Bernard Bulot sont aujourd'hui en prison, et on peut dire qu'ils ne l'ont pas volé. Ah, nous avons droit à un repos bien mérité. Trop de gloire me fatigue à la longue, vous savez, quand je pense à ce malheureux poulpe qui a été assassiné. Eh, c'est la vie, que voulez-vous? Qu'allez-vous faire maintenant, inspecteur? Cette seule meunière me plaît. Je crois que je vais m'aplatir dans un coin avec elle. Malgré mon brio, résoudre cette affaire m'a fatigué les antennes. Et vous? Je vais continuer d'apprendre le métier de justicière. Justicier, ma petite la crevette, pas justicière. C'est toujours un gambas qui résout l'affaire et non pas une gambasse. Allez, je vais aller retrouver ma solle, moi. Le repos du guerrier. Prenez-en de la graine, ma petite. Le lourd, celui-là. Bon. Et si je m'offrais un petit bouquet? Hein? Un petit bouquet de crevettes. C'était l'inspecteur Gambas de Caril Ferret, interprété par les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Aquatique, avec, dans le rôle de la sole, Meunière, Meunière la sole, Julie Roux, le poulpe, Antonin Meyer-Esquéré, c'est mon mari, lâche-moi les tentacules, la sole, tu me saoules, dans le rôle du homard, Frédéric Noailles, vous m'auriez eu quand j'étais jeune, Ted Borostre, mon chéri, la coquille, Mélissa Barbeau, le bulot, je vais en baver en prison, Lionel Drey, dans le rôle de la prestigieuse et aquatique anémone, aquatique, aquatique, est-ce que j'ai une gueule d'aquatique, Camille de Sablé, la crevette, agent spécial de la crevette, pour vous servir, non, faites pas trop ma petite, bon alors la crevette, Emeline Alix, et enfin, dans le rôle de l'inspecteur Gambas, appelez-moi James, Julien Alouf, James Gambas, ah, inspecteur Bon Gambas, Gambas. Quel frimeur. Et avec les voix de Lise Waffmeister, Pauline Ribard, Camille Pellissier, Pierre-Marie Poirier. Musique Thomas Dalle et ses cœurs de sardines. Bruitage Sophie Bissens, assistée de serviables tentacules. C'est dégueulasse. Les odeurs sont les Enregistrement et mixage Claude Niort, ses pailles et son scaphandre. Montage Guillaume Ledu. Mais on est mon épingle. Je le fais avec quoi le montage, moi? Équipe de réalisation Inspecteur Gâteau. Et son poisson pilote, Cédric Aussire.